وهذا نستفيد منه أن on fait attention tout ce qui est lié au tremblement de terre, à la pluie, tous ces événements qui se passent fi hadha al-ard. On fait attention de ne pas faire comme a'da'ullah al-kahra. Vous avez remarqué qu'eux ils disent da'iman c'est la nature. لأنهم لا يؤمنون بالله. دائما هم حتى الكسوف سيكون آية عظيمة من آيات الله يخوف بها عباده كما جاء في الحديث. C'est pour faire peur aux عباد. فلهذا صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم quand il voyait le كسوف il se précipitait. وكان الخوف ظاهرا على وجهه. Et la peur elle se voyait sur son visage. Et il faisait الصلاة. Et c'est une sunna de faire salat al-kusuf. Mais a'da'ullah, tout ça, pour eux, c'est devenu un plaisir de regarder al-kusuf. Et ils disent que c'est la nature. Les tremblements de terre, c'est la nature. La pluie, c'est la nature. Et بعض المؤمنين تأثروا بهذا. حتى البعض disent, c'est la nature. La nature, en fait, ça ne veut rien dire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé هذه الأمور. Mais si tu demandes à ce kafir de te décrire la nature, vous avez remarqué que ahyanan ils décrivent la nature bil makhluqat, maintenant ils disent les montagnes, les forêts, la khalis c'est la nature, et c'est des créatures, hada c'est haq, s'ils disent la nature, les créatures, n'am, et ahyanan alladhi yaqa' fi hadhihi al makhluqat, ils disent كذلك c'est la nature. Maintenant le tremblement de terre, ils disent c'est la nature. Si tu lui demandes, décris-moi, c'est quoi cette nature qui a fait ce tremblement de terre, maïstatia. Pour eux, ça s'est fait tout seul. Enfin, ce mot, la nature, c'est pour eux. Et ils ne veulent pas se soumettre et dire c'est le créateur qui a fait telle chose. Enfin, c'est la nature. Enfin, l'insan yantabih. Et Allah Azza wa Jal qala. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله هذا سامؤمن إلا شك أن les tremblements de terre من هذا الباب الكسوف من هذا الباب celui qui dit هذا c'est من الله سبحانه وتعالى إما ça peut être من باب الرحمة comme la pluie إما ça peut être pour nous faire peur et pour qu'on revienne comme les tremblements de terre الكسوف إلى آخر أما celui qui dit c'est la nature c'est exactement من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. Et la pluie est descendue par telle étoile. Hum, ils vont dire quoi là, à notre époque, c'est la nature. Quand tu fais froid, c'est la nature. Il a akhiré. L'insan yantabih. Yantabih. Nous, on est des mu'minoun, on dit c'est min Allah. Si c'est une ni'ma, nashkur. Et on est reconnaissant. Et on fait des efforts pour faire ta'a. Et si. C'est min ayat Allah azza wa jal pour nous faire peur, kalkousouf, les tremblements de terre, il a arrêté. Enfin, ça doit nous pousser à faire tauba. Et à regretter nos péchés, et à faire des efforts, faire ta'a. Enfin, à la kulli hal, ça pousse le mu'min à adorer Allah azza wa jal akthar. Alihada al-kuffar yuharibun al-mu'minin. Dans toutes ces catastrophes, que ce soit les tsunamis, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les éclipses, tout cela, ils disent c'est la nature. Hatta l'insan la yakhaf. Amma al-mu'min là, il sait que cette tsunami qui arrive dans certains endroits, c'est à cause de l'fasad. Il sait que katratu, les éclipses à notre époque, c'est à cause du fasad, qui s'est multiplié. Il y a beaucoup de kusuf là. Ou hakada les tremblements de terre. Wallah al-musta'an.